Injection verbale. Jamal. 93-06. Yeah. Les temps sont durs, la plupart de mes frères sont au SMIC, au chômage, en ressources fixes, car c'est la crise économique, et s'il y a rien de comique, à vivre encerclé par des briques, j'ai vu trop de places de résistants dans la rubrique nécrologique, alors qu'ils auraient dû être à l'affiche dans les gros titres avec ma zik. Je rends hommage à ces soldats partis trop vite, douleur pathologique, on défie la logique, et le progrès nous détruira par ces dérives écologiques, ce monde est si critique, que j'ai même plus si je veux un môme, je veux pas que ma souffrance artistique fasse partie de lui comme un symptôme, je veux pas qu'il perde ses rêves le jour où il deviendra homme, j'aurais trop peur qu'il ne trouve pas sa voix, qu'il erre comme un fantôme, tout comme ces millions d'âmes. Ce système nous condamne alors de drame en drame, nos mélodies sont devenues mélodrames. Ça fait longtemps que la joie ne fait plus partie de notre programme. Le social rétrograde, faut se démerder seul dans nos rues trop crades. C'est quoi cet enfer? C'est notre vie sur terre, c'est la crise, tout s'accélère, les temps sont durs, frère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que grain de poussière dans cette univers? Faut pas se laisser faire. Que nos galères servent à nous unir pour vaincre nos adversaires. Ensemble on peut. Ce monde va mal, man, depuis qu'on tâche juste pour le capital. On continuera de cotiser sur notre lit d'hôpital. Entre êtres humains, on entretient un rapport glacial. Exclusion sociale, discrimination raciale. L'homme n'est pas Dieu, son jugement est rarement impartial. Pour subir sa sentence, faut être au minimum. Je peux plus fermer les yeux sur leur système carcéral. Trop de frères pètent un cap. Putain, comment veux-tu que je reste calme? Ces temps sont durs, et c'est de pire en pire. Car de nos jours, c'est pas en pierre, mais on pleure qu'ils construisent leur empire. Notre mise en pierre approche, on voit trop de choses atroces et nos espoirs. Des libres sous terre, enterrés à la pioche. Pourquoi nos jeux sont faits avec une mauvaise pioche? C'est trop bien fait, ils nous divisent. Alors pour vaincre, il faut qu'on reste proche. Si on fait rien contre eux, bah on aura loupé le coche. La haine appelle la haine, qu'adhérera-t-il si un jour je décroche? C'est quoi cet enfer? C'est notre vie sur terre, c'est la crise, tout s'accélère, les temps sont durs, frère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que grain de poussière dans cet univers? Faut pas se laisser faire. Que nos galères servent à nous unir pour vaincre nos adversaires. Ensemble, on peut. Comme la tête de mes frangins qui sont trop fiers. C'est la merde, t'étonnes pas que mes punchlines soient grossières. On évolue comme on peut, comme la vie nous le permet. On se tue à la tâche, la preuve regarde, j'ai les yeux cernés. Le mal nous guette, on est tous dans le même bateau. Moi, j'ai de l'ambition et du courage dans mon sac à dos. Yeah, yeah, même si les temps sont durs, j'ai le sourire aux lèvres. Optimiste, que la poisse aille se faire mettre. Des fois j'ai les nerfs quand je me lève du mauvais pied. Je repense à la veille, je revois les keufs en train de nous épier. Le soir, je vois le standard qui se remplit vite. Scandale, ici c'est le genre art qui nous divise. Les temps sont durs, mais c'est la vie, elle est ainsi faite. J'ai vu le bonheur allongé sur une civière. Dur, des fois la vie peut être infernale. Alors souvent je me soigne avec une injection verbale. C'est quoi cet enfer? C'est notre vie sur terre, c'est la crise, tout s'accélère, les temps sont durs, frère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que grain de poussière dans cet univers? Faut pas se laisser faire. Que nos galères servent à nous unir pour vaincre nos adversaires. Ensemble on peut le faire. Les grains de poussière changeront cette terre. C'est quoi cet enfer? C'est notre vie sur terre, c'est la crise, tout s'accélère, les temps sont durs, frère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que grain de poussière dans cet univers? Faut pas se laisser faire. Que nos galères servent à nous unir pour vaincre nos adversaires. Ensemble on peut.